Crevel se promenait de long en large, comme un furieux, dans son salon. « Il doit tenir à cette femme-là » demanda-t-il après un moment, pendant lequel son désir, ainsi fouetté par Lisbeth, devint une espèce de rage. « Jugez-en, » reprit Lisbeth. « Je ne crois pas encore qu'il ait obtenu ça, » dit-elle en faisant claquer l'ongle de son pouce sous l'une de ses énormes palettes blanches. « Et il a déjà fait pour 10 000 francs de cadeau. »« Oh, la bonne farce !» s'écria Crevel. « Si j'arrivais avant lui !»« Mon Dieu, j'ai bien tort de vous faire ces cancans-là, » reprit Lisbeth en paraissant éprouver un remords. « Non, je veux faire rougir votre famille. Demain, je place en viager sur votre tête une somme en 5%, de manière à vous faire 600 francs de rente. Mais vous me direz tout, le nom, la demeure de la Dulcinée. Je puis vous l'avouer, je n'ai jamais eu de femme comme il faut, et la plus grande de mes ambitions, c'est d'en connaître une. Les houris de Mahomet ne sont rien en comparaison de ce que je me figure des femmes du monde. Enfin, c'est mon idéal, c'est ma folie, et tellement que, voyez-vous, la baronne Hulot n'aura jamais 50 ans pour moi. Dit-il en se rencontrant sans le savoir avec un des esprits les plus fins du dernier siècle. « Tenez, ma bonne Lisbeth, je suis décidé à sacrifier 100, 200,